Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Les sentiers où tu m'amènes sont remplis de tes bontés. Ta parole est une fontaine où j'aime aller me reposer. Mais je veux aussi découvrir combien grand et vaste est l'amour qui jaillit de toi. Comme un fleuve de joie, remplis-moi et mon cœur chantera. La la la la la la la la la la la la la. Telle une haute forteresse, elle sait me garder des dangers. C'est une grande sagesse de s'éloigner du péché. Mais je veux aussi découvrir combien grand et vaste est l'amour qui jaillit de toi. Comme un fleuve de joie, remplis-moi et mon cœur chantera. Certaines, j'y trouve tout mon plaisir. Je la dévore car je l'aime. Elle suffit pour me nourrir. Mais je veux aussi découvrir combien grand et vaste est l'amour qui jaillit de toi comme un fleuve de joie. Remplis-moi et mon cœur chantera. La la la la la la la la la la.